J'étais bien plus brave il y a 10 000 ans, encore formé de lave du fond du volcan. Quand j'éclairais la nuit, pierre incandescente, tout juste remis d'une gueule fumante. J'étais bien plus brave il y a 10 000 ans, encore formé de lave du fond du volcan. Quand j'éclairais la nuit, pierre incandescente, tout juste vomi d'une gueule fumante. Ma chance.